Pendant un cours, le professeur parle du travail féminin. Entre 1976 et 1979, le taux d'activité pour les femmes entre 20 et 25 ans a augmenté de 0,3%.